Exercice 9, page 132. A. Il est neuf. Transformer. Elle est neuve. B. Il est vif. Transformer. Elle est vive. C. Il est sportif. Transformer. Elle est sportive. D. Il est fictif. Transformer. Elle est fictive. E. Il est positif. Transformer. Elle est positive. F. Il est négatif. Transformer. Elle est négative.